t'as des yeux qui voient la mer à travers la pluie qui descend. Elle fait des rêves où elle se perd entre les grands nuages blancs. Elle ne sait plus le jour ni l'heure. Elle a des larmes au fond du cœur qui lui font peur. Sa main dans ma main s'endort. Je voudrais être ce pays où elle s'en va chercher encore. Dans le miroir de son passé, ce rêve qui s'était brisé un soir d'été.